Chapitre 2. Celui qu'on ne tue pas. 3 minutes s'écoulèrent, puis cette porte s'ouvrit, donnant passage à Ossip, qui annonça « Le prince Grigoriski !» Ossip s'effaça le long du mur. Derrière lui entra le prince. Presque aussitôt, un coup de feu retentit. Le général venait de tirer, et comme c'était un tireur admirable, il était sûr d'avoir logé sa balle. Mais le prince Grigoriski avança quand même. Il vint, soufflant, railleur, se camper à 2 pas du général, qui, tenant encore à la main son pistolet fumant, le regardait avec stupeur. Le général, évidemment, croyait le prince blessé à mort. Il s'attendait à le voir tomber, et il trouvait que ces quelques secondes avant la chute du corps étaient effroyablement longues. Le prince Grigoriski rompit le silence. « Vous avez, général, une singulière façon de recevoir les gens, » il ajouta. « Tout autre que moi eût été tué net. Vous êtes un admirable tireur. J'ai été touché en pleine poitrine, voyez. » Il montra sa redingote, qui portait du côté gauche un trou fait par la balle de pistolet. Et il dit, en souriant toujours, « Mais moi, général, moi, on ne me tue pas. » Le général, stupéfait, regardait cet homme qui, frappait ainsi, d'une balle en plein corps, à hauteur du cœur, semblait ne rien ressentir, n'éprouver aucun mal. Il le regardait avec ahurissement, avec terreur. Si bien que machinalement la main qui tenait l'arme s'entr'ouvrit lentement et que le pistolet tomba à terre, rendant un son mat sur le plancher. Le prince se tourna vers Ossip, aussi abasourdi que son maître. « Avance-moi un siège, » dit-il. Le majordome, à l'esprit fruste, au cerveau plus obtus que celui du général, n'était dur, pris par une sorte de terreur superstitieuse, avança en tremblant un fauteuil aux visiteurs étranges que les balles du pistolet d'ordonnance ne pouvaient abattre. C'était la première fois de sa vie qu'Ossip, sans l'autorisation de son maître, obéissait, en sa présence, à un ordre qui ne lui avait pas été donné par le général. Le prince s'assit dans le fauteuil, très posément. Il fit signe à l'intendant de sortir. Ossip obéit encore et s'éloigna, n'osant se retourner et marchant à reculons vers la porte. Le général avait suivi tout ce manège, sans intervenir, sans y rien comprendre. Maintenant, seul en face de cet homme, il se tenait encore debout, ne sachant que faire, plus de pensée sous ses rudes cheveux blancs, plus de volonté, et étreint par le pressentiment que désormais il se trouvait sous la domination de cet étrange personnage. Le prince, au bout d'un assez long moment de silence et d'immobilité pendant lequel il étudia le général, lui dit « Asseyez-vous, je vous en prie. Nous serons mieux assis pour causer, nous entendre. » Machinalement, le général se laissa choir dans son grand fauteuil, et il s'apprêta à écouter ce que le prince allait lui dire, ce dont il soupçonnait la nature et dont il prévoyait la gravité. Le prince commença. « Mon père était votre ami. » Sur un mouvement du général, il insista. « Je dis bien, votre ami. » Le prince, après un court silence, reprit. « Mon père, donc, était votre ami intime. Vous n'aviez tous deux qu'une pensée, qu'un cœur, je n'ose pas dire qu'un seul sabre, la même arme. Mais vous aviez tous deux, poussé à l'extrême, le même sentiment du devoir, le même but dans la vie, le service de la patrie, le service du tsar. » Le général approuva d'un mouvement de tête. Vous avez eu le talent d'étouffer une révolution qui menaçait de bouleverser toute la Pologne, et le bonheur de sauver la vie du tsar menacé par un complot formidable. De nouveau, le général approuva de la tête. Le tsar, reconnaissant, vous donna, à vous, général, et à mon père, à part égale, la fortune des conjurés exécutés. 3e mouvement de tête du général. Jusque-là, tout va bien. Le partage des biens, de ces fortunes immenses, s'opérait admirablement, et pas le plus petit nuage ne s'élevait entre vous. Vous vous partagez les domaines en vrais frères étroitement unis, mais tout à coup, cette entente a changé, et cette amitié s'est tournée en haine profonde quand vous avez, vous, général, mis en arrestation le prince Toboski, l'homme le plus riche de Varsovie, celui qui vous échappait toujours, et qui était le cerveau organisateur de cette révolution, de ces attentats. Le prince Toboski se berçait de l'espoir fou de reconstituer le royaume de Pologne, et peut-être de s'en attribuer la couronne. Mais, très habile, se tenant dans ses terres, enfermé dans le château fort de ses aïeux, il semblait se désintéresser de tous ses mouvements, fuir la politique et ne vivre que pour sa femme, celle qu'on appelait la divine Johanna, tant elle était belle, et ne trouver de bonheur qu'entre elle et sa fille chérie Amédéa. À cette évocation, le général Sobarov ne put s'empêcher de tressaillir. le prince poursuivit sans paraître s'en apercevoir. Le prince Toboski fut livré par trahison. Son jugement fut rapidement mené. On apporta au tribunal militaire, que vous présidiez, les pièces les plus accablantes, les preuves irrécusables des manœuvres du prince Toboski contre la Russie, contre le tsar. Le prince ne cessa de protester. Il voulut démontrer que tous ces documents n'avaient aucune valeur, étaient faux pour la plupart. Le peuple murmurait, proclamait l'innocence du prince. Mais il fallait, paraît-il, pour mater les populations, un exemple terrible. Le prince Toboski fut exécuté. Une haine profonde séparait mon père du prince Toboski, son cousin, haine de famille, haine d'opinion, haine ayant pour cause l'amour. Mon père, de même que mon grand-père, avait accepté comme un fait acquis la russification de la Pologne, tandis que les Toboski croyaient toujours à l'émancipation de ce malheureux pays dont ils espéraient voir tomber la destinée entre leurs mains. C'est à mon père, au service du tsar, qu'on livra le prince Toboski, et c'est mon père qui, ne pouvant juger son parent, le remit à votre juridiction, le fit en somme exécuter par vos ordres. Après, se résolut enfin à dire le général Sobarov, après, selon les conventions du tsar, une moitié de la fortune colossale du prince Toboski vous appartenait, l'autre était à mon père. Le partage a été opéré. Parfaitement. Mais quand mon père dut entrer en possession des millions qui lui revenaient, mon père a été assassiné. De sorte que toute la fortune est passée en vos mains. Le prince ajouta, j'ai dû fuir la Russie, car j'ai voulu venger mon père, et pendant de longues années, j'ai couru le monde, attendant l'heure où il me serait permis de vous rejoindre. Enfin, vous voici à Paris, et je peux approcher de vous, sans craindre d'être empoigné par vos hommes, et exécuté, pour le plus grand bien du tsar, et surtout le vôtre. Enfin, je suis en face de vous, et je peux vous crier, « Rendez-moi les millions que vous avez volés à mon père. » Le général répondit, « Je n'ai rien pris à votre père. Il a eu sa part comme moi. Cette part vous est revenue, puisqu'au moment de son attribution, mon père a été tué. C'est regrettable pour lui. Les millions de sa part vous sont donc revenus. C'était de toute justice. Non, parce que c'est vous qui avez fait assassiner mon père. » Le général tapa du poing sur la table. « Tu mens. Qu'y a-t-il, tu mens ?» Très calme, le prince Grigoriski lui dit « Si vous étiez si sûr que je ne venais ici que pour mentir, il ne fallait pas essayer de me tuer tout à l'heure, comme vous avez tué mon père autrefois. » Le général répliqua « Ton père a été tué par ceux qui défendaient la divine Johanna, dont il était éperdument amoureux, qu'il voulait enlever. Vous ne dites pas la vérité, à votre tour, général, » dit le prince, toujours gardant son admirable sang-froid. « Celui qui aimait la divine Johanna, c'était vous. » Celui qui voulait en faire sa maîtresse, c'était vous. Celui qui a tué son mari pour la rendre libre et pouvoir la prendre, c'était vous. Vous. Tais-toi, misérable, tais-toi ! Cria le général en se dressant soudain. Plein de rage, il voulut aller à une panoplie pour y prendre un autre pistolet, une arme, un sabre, une épée, un poignard, n'importe quoi, qui lui permit de faire taire cet homme.